2. Du testament de Siméon, concernant l'envie. Transcription des paroles de Siméon, des choses qu'il dit à ses fils, avant sa mort à l'âge de 120 ans, l'année où Joseph mourut. Ils vinrent le visiter quand qu'il fut malade. Il prit la force de s'asseoir, les embrassa et il dit, « Écoutez votre père Siméon, écoutez les choses que j'ai dans mon cœur, mes enfants. Je suis le deuxième fils de mon père Jacob et Léa ma mère m'appela Siméon, parce que le Seigneur avait exaucé sa prière. Je devins très fort et ne reculais devant aucun exploit, car je n'avais peur de rien. Mon cœur était solide, ma pensée inflexible, mes entrailles sans émotion, par le Très-Haut donne du courage à l'homme dans son corps et aussi à son âme. Notre père aimait Joseph, et en ce temps-là j'en étais jaloux. J'appliquais ma pensée à sa destruction et le prince d'erreur envoya contre moi l'esprit de jalousie qui aveugla ma pensée pour que je ne le voie pas comme un frère, et sans égard à mon père Jacob, mais son Dieu et le Dieu de ses pères envoya son ange le délivrer de mes mains et que notre frère Judas le vende aux Ishmaélites pendant que j'étais à Shechem pour apporter de l'onguent au troupeau et que Réuben était à Dotham avec tous nos stocks et notre nécessaire. Réuben revint accablé. Il avait espéré le ramener sain et sauf à son père tandis que j'étais en colère contre Judas pour l'avoir laissé vivant, et j'eus durant 5 mois de la rancœur contre lui. C'est alors que Dieu me restreint et me priva du travail de mes mains. Ma main droite était devenue à moitié sèche pendant 7 jours et je savais que cela m'arrivait à cause de Joseph. Mais je m'en repentis, mes enfants. Je m'en lamentais, suppliant le Seigneur de me purifier du mal de la folie d'envie et me redonner ma main, car je reconnus avoir conçu par mon envie un acte de mal contre Joseph devant le Seigneur et devant mon père Jacob. Prenez garde mes enfants au mauvais esprit d'envie, car l'envie arrive à contrôler la pensée d'un homme en le privant de manger, de boire et faire du bien. Jusqu'à le pousser à détruire l'envié, et l'envieux dépérit mais l'envié fleurit. Pendant 2 ans, jour pour jour, j'affligeais mon âme par le jeu et la crainte de Dieu, car j'appris que la délivrance de l'envie vient par la crainte de Dieu, et lorsqu'un homme accourt vers le Seigneur, l'esprit du mal fuit de lui et pensée devient facile, jusqu'à sympathiser avec l'envié. Notre envie s'arrête en ne condamnant pas ceux qui nous aiment. Je me repentis plus que tous, car j'étais coupable de la vente de Joseph. Mon père me questionna en me voyant accablé, mais je lui dis que j'avais mal au foie. Quand nous sommes descendus en Égypte et que Joseph nous traita d'espions, je ne me plains pas, car je savais que ma souffrance était justice. L'Esprit de Dieu était avec lui, un bonhomme plein de pitié et compatissant qui n'avait aucune malice contre moi, non. Il m'aimait autant que le reste de ses frères. Prenez garde mes enfants à la jalouse et l'envie. Marchez avec votre âme bien unie au cœur, pour préserver l'esprit des frères de votre Père, et qu'ainsi Dieu mette en vous sa grâce. En gloire et bénédiction sur vos têtes, comme j'ai vu en lui. Tous ces jours, il nous fit aucun reproche à ce sujet, mais il nous aimait comme sa propre âme, au milieu de ses propres fils. Il nous louangea et donna librement à tous des richesses, troupeaux et fruits. Mes barres verticales interrompues enfants, que chacun de vous aime son frère avec bon cœur. Retirez de vous l'esprit d'envie dont la pensée est sauvage et qui détruit le corps, les déviant dans l'agitation de la colère jusqu'à se battre sans, et devenu enragé la pensée n'a ni distinction, ni tolérance, entre les hommes. L'esprit d'envie enlève le sommeil et engendre le tumulte d'âme et l'agitation du corps. Dans son sommeil même, les mauvaises jalousies font dévier son âme grugée par de mauvais esprits dérangeants qui mettent l'agitation dans son corps jusqu'à ce que sa conscience soit dans la confusion totale, croyant avoir un esprit pervers et méchant, comme ceux qui apparaissent aux hommes. Joseph avait ce comportement loyal et bon à voir où aucune méchanceté ne se trouvait. Mais un esprit détraqué se reflète au visage. Mes enfants, efforcez-vous d'avoir bon cœur devant le Seigneur et de marcher droit devant les hommes pour trouver grâce devant les hommes et Dieu. Prenez garde de faire la fornication, la mère de toute malfaisance, qui sépare de Dieu et rapproche de Béliard. J'ai vu dans les Écritures de Hénoch que vos fils se livreront à la fornication et feront tort à Lévi par l'épée, mais ne prévaudront pas contre Lévi, parce qu'il engagera la guerre du Seigneur et vaincra toutes vos légions jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un peu, divisé entre Lévi et Juda, et que plus aucun d'entre vous n'ait de souveraineté, comme Jacob mon père prophétisa par ses bénédictions. Voici que je vous ai déclaré toutes choses pour affranchir vos âmes du péché. Retirez maintenant toute envie de vous et toute la raideur de votre nuque. Ainsi mes os fleuriront comme une rose en Israël et ma chair comme un lilas en Jacob. Ma senteur sera comme celle du Liban et de moi les saints êtres se multiplieront à jamais et s'étendront très loin comme les branches des cèdres. La semence de Sanaan périra et il ne restera plus trace d'Amalek. Tout le peuple d'Elazar périra et les Hittites seront tous complètement détruits, la terre de Ham tombera et toute personne périra. La terre entière se reposera des troubles et le monde des guerres, sous le ciel. Shem sera glorifié quand le Seigneur Dieu, le puissant d'Israël, apparaîtra sur terre comme un humain et Adam par lui sera sauvé. Tous les esprits d'erreur seront livrés à être foulés aux pieds et les hommes surmonteront les mauvais esprits. Je me lèverai de joie pour bénir le Très-Haut de ses merveilleuses actions, car Dieu aura pris corps et mangé avec les hommes et les aura sauvés. Dès maintenant mes enfants, obéissez à Lévi pour être racheté en Juda. Ne vous rebellez pas contre ces deux tribus, car pour vous le salut de Dieu se lèvera d'eux. Le Seigneur se lèvera de Lévi comme un sacrificateur et de Juda comme un roi, humain et divin, pour sauver la race d'Israël et tous les peuples. Enseignez à vos enfants toutes ces choses que je vous déclare pour les garder dans leur génération. Ayant fini l'instruction de ses fils, Siméon dormit avec ses pères à l'âge de 120 ans. Ils le déposèrent ruiné dans un coffre de bois incorruptible et portèrent ses os à Hébron durant un conflit des Égyptiens. Ils les emportèrent en secret, car les Égyptiens gardaient les os de Joseph dans la maison du trésor du palais. Les sorciers leur avaient dit qu'au départ des os de Joseph, il y aurait une très grande plaie sur les Égyptiens et l'ombre de la noirceur sur toute l'Égypte au point qu'un homme ne reconnaîtra pas son frère même avec une lampe. Les fils de Siméon pleurèrent leur père selon la loi du deuil. Ils furent en Égypte jusqu'au jour de leur départ d'Égypte par la main de Moïse.